J'avais un œuf à dire, je continue à niaxer des sbires, à mater des strings, à squatter les beats et à me faire tailler des pipes. Je traîne mes potes dans les ruelles mal famées où les fumeux sont sous la tutelle du malin et où les vieilles foutent les poubelles. Je suis dans la spirale de Paname avec les chineurs et les rouleurs de dynam sur le macadam, avec les faces mécras qui roulent chez des zeb dans feuilles de tabac, avec les sales stars dans leur rôle de super tocard. Ici c'est la merde et pour changer c'est déjà trop tard. T'es ma comme on se ça, tu verras qu'on est rodable. Quoi que tu fasses, faut mettre le tarif. Ici ça charrie, normal ça se passe à Paris. Et dans sa banlieue plein de crari, vas-y négro, crame un autre bout de charas et c'est reparti. Encore une tête cramée qui vient traumatiser le mouvement. VDF, ghetto, fashion, on fout le boucan. La bourgeoisie est bien trop lassée de nos thèmes récurrents. Dans nos rimes, drogue, sex, crime, tour de béton, coup de pression et lâchage de victimes. Roméo, Echo, Delta, Sierra, Kilo, Yankee, 6 gros de la rime. Cousin, ramène tous les Yankees sortis des quartiers mal famés, remplis d'affamés. Qui dès que t'as de tournées pour de la monnaie, pour être cané. Ça vient du 9-4, faut que les refs et les meufs captent qu'on fait partie d'une grande minorité, que les sales keufs traquent. Les balles tringues sont écurées, la bourgeoisie apeurée. Canettes de bière et de cul de joint, nos blocs sont décorés. Côte, boisson, cachée, sexe. Tu t'en rappelles, mec, la vie, je la déguste pas, mais je l'avale, tu sais. Parti pour des lyrics nocifs et dérangeants, comme quand je me fonce des hauts shit, marine pure et bleue. C'est l'invasion nègre et robeux, sorti des bas fonds, un coup, on vient tout vécreux. Avec le code pénal, le cul ça se torche, si t'es blindé, ceux qui ont rien dans les poches, ton tchat filoche, ça veut la recette. OP, pour chier à ta sacoche, ça passe au 500 SL, et c'est l'air, Cayenne, Porsche. Gold, Strack, Skunk, Strack de luxe formel. 2004, rien n'a changé, c'est toujours le bordel. 9-4, Val de Fontenay, ghetto fashion. Qui rave pression, négro, crois pas que c'est chum. Sur le terrain, ça prend des risques car ça veut graille. Pendant ce temps-là, la voilà, il se prend pour de la racaille. De plus en plus petit, ça veut la maille. Alors que d'anciens gros bonnets sont engouffrés dans le sky. C'est ça la vie en bas de nos tours et de nos HLM. Passe une journée chez nous, tu verras que la rage nous connaît. Pas de faux, pas de faux, pas de faux, net, casse.